temps de parler de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini avec notre ami Patrick Tropiano pour parler de la semaine au soccer. Salut Patrick. Oui Patrick, comment ça a été cette semaine avec nos équipes? Bon, ça a été une mauvaise semaine. Okay. Disons, mais si j'y vais avec les résultats, donc on a une mauvaise plus ou moins là. On a le U12 qui ont joué contre Saint-Prime avec une victoire de 5-3. Oui. On a le U16 qui ont joué deux fois contre Chicoutimi avec deux fois des défaites de 7-0. Oui, monsieur Wage, OK. Puis on a le Seigneur masculin qui ont gagné 2-1 contre Saint-Ambroise. OK. Puis ensuite, on a le U16 féminin qui a eu une défaite de 8-1 lundi dernier contre OK, Alba. Donc c'est pas vraiment... on peut pas dire que c'est une belle semaine. Là. L'important, c'est pas une semaine de perdre, mais c'est comment tu perds. Là. Puis ça n'a pas été... On peut, de toute évidence, oui. Ça n'a pas été l'idéal. Là. Non, ça n'a pas été l'idéal. C'est ça, mais en U16 masculin, on savait que ça allait être difficile cette année parce que c'est comme leur première okay. année. Donc c'est les plus jeunes, donc c'est on sait que c'est une année de rodage, puis l'année prochaine, ça devrait quand même aller okay, mieux. OK. Dis-moi, est-ce que on va revenir sur la fête du soccer qui a eu lieu la semaine passée? Encore une fois, j'ai eu l'occasion de me rendre. Est-ce qu'on est content? Oui, on est très content. Surtout, il y avait de la belle température. On a eu au-dessus de 100 jeunes qui okay. sont venus avec leurs parents, frères et sœurs. Donc, ça a bien roulé. Ils sont bien amusés. Ils étaient bien heureux d'avoir des médailles. Donc, c'est toujours le fun de voir leur sourire quand ils reçoivent leur médaille puis la fierté. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment excellent puis c'est vraiment le fun puis bravo à toute l'organisation de l'association de soccer. Cette semaine maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, cette semaine aujourd'hui à Jean Dolbeau, on a le U16 masculin qui joue à 19h15 okay. contre Saint-Félicien. Puis au Parc Lyon ce soir, on a à 20h30 le senior masculin qui joue contre Chicoutimi. OK. Et il y a toujours la Ligue des vieilles jambes qu'on appelle, hein? Oui, la Ligue des vieilles jambes, ou maintenant rebaptisée Soccer pour le plaisir. Okay. Donc, eux autres, ils jouent le mardi, jeudi, de 8h à 10h. Puis c'est ouvert à tout le monde qui veut venir avoir du plaisir, jouer au soccer, puis faire des belles rencontres. OK. Est-ce que vous avez beaucoup de monde? Moi, cette année, je ne peux pas encore aller personnellement. Là, je devrais y aller cette semaine, mais de ce que j'ai entendu, oui, il y a quand même beaucoup okay. de monde qui y vont. C'est ça. C'est la température, des fois, qui n'est pas avec ouais. nous. Mais le monde est avec non, nous. Ben, c'est ça le principal. Donc, ça fait le tour pour moi pour cette semaine? Oui, mais je ouais. peux encore juste te parler parce que là, ça va être le. On va commencer à jouer des tours. Ah, c'est bon, ça. Oui, c'est donc, vrai. C'est ça, la semaine prochaine, le 15, 16, 17 juillet. Il y a un tournoi à Chicoutimi, puis on a une équipe U12 d'inscrits, on a nos équipes U16 féminin et U16 masculin, et le senior qui sont inscrits à ce tournoi-là. Okay. Puis le 23 juillet, ben, c'est le tournoi de la traversée à Robertval, puis c'est notre équipe U8 qui va représenter la ville de Dolbeau. OK, OK. Donc, est-ce que les attentes sont élevées du côté de l'association? Ben, les attentes, on n'a pas vraiment d'attentes, mais moi, ce que je dis à mon équipe que je coach, c'est que je monte pas à Chicoutimi pour rien. C'est qu'on espère quand même revenir avec au moins une ouais. médaille. Mais c'est ça, on va voir. Mais on veut avoir du plaisir ben quand oui. même. Ben oui. Ben Patrick, un gros merci, on s'en reparle très très bientôt. Patrick Topiano de l'Association de soccer de Dolbeau.